CIS, qu'est-ce que le tiers état? Le plan de cet écrit est assez simple. Nous avons trois questions à nous faire. Premièrement, qu'est-ce que le tiers état? Tout. Secondement, qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique? Rien. Enfin, troisièmement, que demande-t-il? À être quelque chose. On verra si les réponses sont justes. Nous examinerons ensuite les moyens que l'on a essayés et ceux que l'on doit prendre afin que le tiers-état devienne, en effet, quelque chose. Ainsi, nous dirons, quatrièmement, ce que les ministres ont tenté et ce que les privilégiés eux-mêmes proposent en sa faveur. Cinquièmement, ce qu'on aurait dû faire. Sixièmement, enfin, ce qui reste à faire au tiers pour prendre la place qui lui est due.